Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire de rock progressif. Vous écoutez Rock de Neurones sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et mon nom est Jimmy Farley et je vais vous accompagner pour les deux prochaines heures. Aujourd'hui à l'émission, on aura une nouveauté du groupe The Samurai of Prague. On aura aussi une nouveauté du groupe Sanguine Hum. Ça, c'est un groupe britannique. Ensuite, de l'Autriche, nous aurons le groupe Magia. Et on va aller en Italie avec Jus Primae Noctis, Ingranaggi della Valle, ça c'est d'Italie, Priapisme de France, et en conclusion, un petit combo de rock progressif italien avec Museo Rosenbach et Luovo di Colombo. Alors, le premier bloc de l'émission est consacré à l'album Beyond the Wardrobe du groupe The Samurai of Prague. C'est quand même le 10e album studio depuis 2011, et cet album-là, il nous réserve 9 pièces pour un total de 55 minutes. Et pour l'occasion aujourd'hui, mais j'ai retenu 4 pièces: Another Time, Dear Amadeus, Forest Rondo et Jester's Dance. Alors, on y va tout de suite avec The Samurai of Prague. Thank you. safe in the harbor from lightning. Here, where the storms all pass by, round and around, retightening what we hide and escape from our time. I am off and flying. bends and widened, going where the song inside inspires. I am off and flying. We'll be right back. Thank you. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Ce qu'on a entendu avant la pause, c'était le groupe de Samurai of Prague et quatre extraits de leur plus récent album Beyond the Wardrobe. Maintenant, on a un nouveau groupe allemand du nom de Mageia. Ils ont un premier album qui est paru cette année. Et l'album s'intitule Mageia, donc c'est un album homonyme. Et la pièce qu'on va entendre, c'est Saturn Awake. Ensuite, on va entendre un groupe italien qui ont un seul album en 2019. Le groupe, il s'appelle Jus Primae Noctis. Et l'album, c'est Instinto. Et la pièce que j'ai choisie pour vous, c'est Itutore Amore. Ensuite, on va conclure avec Sanguine Hum. C'est un groupe britannique bien connu et qui bénéficie d'un succès d'estime assez prononcé ici du côté de l'Atlantique. Et ils viennent de faire paraître le nouvel album A Trace of Memory. Et la pièce que je vous propose, c'est Automation. Alors, on y va avec Mageia d'Allemagne. When your mask is gone. Waiting for your deeds to really come.

Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Si on fait un petit retour avant la pause, eh bien, on a entendu le groupe britannique Sanguin Hum et la pièce Automation. Ça, c'est tiré de leur plus récent album A Trace of Memory. Et ça a été précédé, dis-je, d'un album italien avec le groupe Jus Primae Noctis et la pièce I Tutto Amore tirée de Instinto. Et en début de bloc, on avait le groupe allemand Magia et la pièce Saturn Awake. Ça, c'est extrait de leur plus récent album, en fait, de leur premier album qui s'intitule Magia. Maintenant, pour le troisième bloc de l'émission, j'ai décidé de consacrer ce bloc-là à un ami de Drummondville. J'ai nommé Johnny Couture, qui a fêté son anniversaire de naissance à la fin de novembre, et je lui ai promis une surprise. Alors, j'espère qu'il va aimer mon choix musical qui lui est destiné. Je me rappelle qu'il a particulièrement aimé le groupe français Priapisme, que j'ai fait jouer en 2017. Alors, je lui dédie cette chanson-là. Le titre, c'est « Tutti potence de Erg » tiré de « Diabolicus feline pandemonium ». Et tout de suite avant, bien, une autre pièce qui a manifesté beaucoup d'intérêt, c'était la pièce « Intal » du groupe « Ingranaggi de la Vallée ». Tiré de l'album Warm Space Blue. Ça a été fait en 2016. Alors, on y va tout de suite avec Ingranaggi de la Vallée pour Johnny. Gefühl, das wie eine Ewigkeit scheint, aber doch nur ein Augenblick ist. Das Leib von ihrem neuen Liebsten verliert sich in einen endlosen Umarmung, weggerissen von den schwarzen Fluten vom Fluss. Aber du bist unterwegs zu den Baumkronen, geschmückt von Tautropfen. Du kennst das Schicksal, das dir erwartet. Am Ufer vom Innenleben. Thank you. êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, pour conclure l'émission, j'ai un combo italien avec Museo Rosenbach et Luovo di Colombo. Museo Rosenbach, ainsi que Maxophone et Il Roversio de la Medaglio avaient été invités en 2013 à participer à une série de concerts organisés par les Japonais à Tokyo. Et de ces concerts-là, ben, on en a extrait 3 CD en 2014, des Live in Tokyo. Et l'album de Museo Rosenbach est particulièrement bien fait. Et c'est pour cette raison que je vous propose en rétrospective Zarathustra. Et on va conclure dans la même veine avec un autre groupe italien qui lui aussi a fait un album en 1973. C'est Luovo di Colombo. C'est son seul album. C'est un album homonyme. Et la très belle pièce L'Indecisione va conclure l'émission. Alors, on y va tout de suite avec un Museo Rosenbach. Thank you. troppe risposte confondono una vita antica. Mille tradizioni han costruito un muro intorno a me. Solo e senza forze mi perdo nelle mie parole. E forse chi cerco ha camminato sempre accanto a me. We'll be right back.